Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 35. De ce qui concerne les saintes images, suite, ignorance de certaines personnes à cet égard. On pourrait écrire à l'infini sur le peu d'intelligence que plusieurs personnes apportent dans l'appréciation des images, parfois l'ineptie est poussée si loin, qu'il se trouve des âmes dont la confiance se base sur le plus ou moins de sympathie que leur inspire la figure représentée sur telle ou telle image, c'est se méprendre grossièrement sur les relations qui doivent exister entre l'âme et Dieu, et sur le culte et l'honneur qui lui sont dus. Nous le savons, sa souveraine majesté considère avant tout la foi, la pureté du cœur qui le prie. S'il accorde souvent plus de faveur à la vénération d'une image, de préférence aux nôtres toutes semblables, mais où l'art aurait déployé plus de talent, c'est afin de réveiller la ferveur des fidèles. De même, lorsque Dieu opère des miracles et accorde des grâces particulières devant tel tableau, c'est dans le but de raviver par ce prodige nouveau la dévotion et la piété languissante. La ferveur se rallume en effet, et les prières persévèrent. Or, comme c'est là une double condition pour rendre Dieu favorable à nos demandes, il continue à les exaucer et à faire des miracles, dans la mesure de la foi et de l'espérance que nous avons en lui, et de la confiance que nous témoignons à ce saint. La différence de forme, où la beauté matérielle de l'image ne doit pas captiver votre attention, ni augmenter votre piété, celle qui ranime davantage la dévotion mérite seule d'attirer votre préférence. Agir autrement serait, je le répète, une véritable absurdité. Considérez comment le Seigneur désire surnaturaliser la dévotion qui s'adresse aux formes, d'ordinaire. Il opère ses œuvres merveilleuses et accorde ses grâces signalées, par l'intermédiaire de certaines images dont la sculpture ou la peinture laisse beaucoup à désirer, et n'offre aucun aliment à la curiosité, et cela afin d'empêcher les fidèles d'attribuer ses prodiges à l'art et à la richesse de l'image. Notre Seigneur choisit encore des images placées à l'écart dans des lieux solitaires, pour manifester sa puissance. D'une part, la dévotion des fidèles s'augmente par la peine qu'ils ont à s'y rendre, et donne à leur acte un double mérite. De l'autre, ils s'éloignent du bruit et du tumulte pour prier à l'exemple du divin maître. Aussi j'approuve fort celui qui, pour ne pas se joindre à la foule des pèlerins, entreprend des pèlerinages en dehors de l'époque fixée. Quand les multitudes s'y pressent, jamais je ne lui conseillerais de s'y mêler. On risque d'en revenir plus distrait qu'on y étale le accent aigu, et beaucoup, dans le nombre, font ces voyages par mode de récréation plutôt que par dévotion. Or, si la foi et la dévotion en sont bannies, l'image toute seule sera-t-elle capable de vous rapporter aucun bien? Quelle sublime et vivante image n'était pas notre adorable Sauveur en sa vie mortelle, et cependant, ceux qui n'avaient pas la foi, bien qu'ils vécussent en sa sainte compagnie, et contemplassent sans cesse ses œuvres incomparables, ne profitaient aucunement de sa divine présence. C'est pourquoi l'évangéliste saint Luc nous assure que sa patrie ne connut pas les merveilles qu'il opéra en d'autres lieux. Luc 4, 23, 24. Il peut se faire que Dieu communique une impression spirituelle toute spéciale, par la vue de certaines images, dont les traits restent profondément gravés dans l'esprit, et demeurent toujours comme présents, leur simple souvenir renouvelle, avec plus ou moins d'intensité, la même ferveur qu'elle fit éprouver la première fois, tandis qu'une autre image, fût-elle d'un travail supérieur, ne procurerait pas un semblable fruit spirituel. La dévotion se porte encore sur telle ou telle forme d'image, et souvent c'est à traîner d'une sympathie naturelle, comme on préfère le visage de telle personne à celui de telle autre, parce qu'il est plus sympathique, bien que les traits en soient peut-être moins beaux, on lui porte une affection toute naturelle, et son souvenir reste fidèlement empreint dans la mémoire. Ainsi l'amour de préférence pour telle ou telle image, loin d'être de la dévotion, n'est en vérité qu'un penchant tout naturel. D'autres fois en regardant une image, on croira la voir remuer, changer d'expression, faire des signes, donner à entendre certaines choses ou même parler, ces phénomènes, ainsi que les effets surnaturels dont il est question ici au sujet des images, sont très souvent bons et réels. Dieu les opère soit pour augmenter la dévotion, soit pour procurer à l'âme faible un appui, qui l'aide à avancer dans le chemin de la perfection, un but, qui fixe son esprit au milieu de ses innombrables distractions, mais plus d'une fois aussi, le démon est l'instigateur de ces prodiges, dont il se sert pour tromper les âmes et leur nuire. Le chapitre suivant nous donnera sur tous ces points la vraie doctrine. Chapitre 36. Comment on doit diriger vers Dieu, le plaisir, que la volonté, trouve dans les saintes images, de manière qu'elle ne soit pas pour elle, un sujet d'erreur ni un obstacle. Les images sont, il est vrai, d'un grand secours pour nous rappeler le souvenir de Dieu et des saints, et pour porter notre volonté à la dévotion, si nous en usons comme il convient. Au contraire, elles peuvent être la source d'innombrables erreurs, si l'âme ne sait pas se servir des effets surnaturels dont elles sont l'occasion, pour aller à Dieu. Elles sont, en effet, l'un des principaux moyens dont l'esprit de mensonge se sert pour surprendre les âmes imprudentes et les entraver dans le véritable chemin de la vie spirituelle. Il se plaît à accent circonflexe faire apparaître des choses extraordinaires, tantôt dans les images matérielles et corporelles dont la Sainte Église approuve l'usage, tantôt par les représentations intérieures qu'il s'est gravées dans l'imagination, sous l'apparence de tel saint ou de son image. Cet astucieux ennemi du genre humain se transforme en ange de lumière, et emploie, pour nous égarer, les moyens mêmes qui nous sont donnés pour remédier à nos faiblesses. Il se dissimule de la sorte pour mieux surprendre notre crédulité. Une âme droite se tiendra toujours sur la réserve, même dans le bien, le mal portant en lui-même son cachet distinctif car, dans l'un ou l'autre cas, elle est exposée au danger signalé plus haut, d'être arrêtée dans son essor vers Dieu, de se servir des images d'une manière imprudente et grossière, ou de se voir entraînée dans une voie illusoire. Donc, pour recueillir les avantages opposés, il faut purifier la volonté de la joie que les images lui procurent, afin de savoir diriger par elle l'âme vers Dieu, ce qui est le but exclusif de l'Église. Je vais donner ici un avis qui répondra à tout, puisque les images nous servent d'échelon pour nous élever aux choses invisibles. Il faut nécessairement que l'affection et la joie de la volonté se reposent exclusivement sur l'objet invisible dont elles sont la représentation. Le fidèle ne doit pas chercher un aliment à la satisfaction des sens dans une image, fût elle corporelle ou imaginaire, d'un beau travail ou richement orné, capable d'inspirer une dévotion sensible ou spirituelle. Il faut traverser ces accessoires sans en tenir aucun compte, et se borner à donner à l'image les marques de vénération prescrites par l'Église. Il suffit de porter sa pensée vers le souvenir qu'elle éveille, et de concentrer la ferveur de l'esprit et la force de la volonté en Dieu, ou dans le saint que l'on invoque, car ce doit être là le terme de toute dévotion et de toute prière. D'après cette doctrine, l'impression sensible ne devant jamais avoir la prééminence sur ce qu'il y a de réel et de spirituel dans le culte des images et des tableaux religieux, rien n'empêche plus l'esprit et les sens de s'élever librement vers Dieu. L'influence surnaturelle qui motivait la dévotion sera doublée lorsque l'amour tendra directement à Dieu sans obstacle. Au reste, toutes les fois que Dieu accorde ses grâces et d'autres semblables, il se propose d'élever nos sentiments et nos goûts vers l'invisible, et il veut que nous tendions sans cesse au même but. Nous l'atteindrons à la condition d'amortir la force et la vigueur des puissances de l'âme, à l'égard de toutes les choses visibles et sensibles. Chapitre 37. Suite du même sujet sur les choses qui motivent la dévotion, des oratoires et des autres lieux consacrés à la prière. Il me semble avoir déjà fait comprendre dans combien d'imperfections l'homme spirituel peut tomber, s'il s'arrête aux accessoires des images, et comment dans ce cas il court peu, être encore plus de danger que dans l'attachement aux autres biens corporels et temporels, je dis peut-être plus de danger, car sous prétexte que ce sont des choses saintes, il se croit en sûreté, redoute moins l'attrait naturel de la propriété, aussi se trompe-t-il bien souvent, vient-il à ressentir un goût prononcé pour les objets pieux, il s'imagine être rempli de dévotion, et la plupart du temps ce n'est là qu'une tendance et une inclination toute naturelle, qu'il porte sur cet objet comme il les porterait sur autre chose. Commençons à parler des oratoires. Certaines personnes multiplient à l'infini les images, pour rehausser la beauté de leur oratoire. Elles cherchent à charmer les regards par la symétrie et l'éclat de l'ornementation. Une pareille conduite prouve-t-elle un plus grand amour de Dieu? Bien au contraire, l'amour diminue à mesure que la volonté se complaît dans les somptuosités et les peintures, qui détournent l'application de l'objet réel et invisible. Oh, sans doute, tout ce qu'on peut déployer d'ordre, de parure et de marque d'honneur autour des images, est encore fort peu de choses comparativement à ce qu'elles méritent. Aussi ceux qui les conservent avec peu de vénération et de respect méritent-ils d'être repris avec ces vérités? Nous rangeons dans ce nombre les sculpteurs et les peintres qui, au lieu de favoriser la dévotion, vous l'enlèvent par leur travail grossier et imparfait. À mon avis, on devrait interdire, à ces ouvriers maladroits et ignorants, l'exercice de leur art, mais quel rapport y a-t-il, je vous le demande, entre ce culte rendu aux images et l'esprit de propriété, la tâche, le goût que vous placez dans ce luxe et cette ostentation? Cette amorce ne captive-t-elle pas vos sens au point d'entraver votre ascension vers Dieu, de vous empêcher de l'aimer et d'oublier tout le reste pour son amour? Si vous sacrifiez ce devoir à votre attrait, non seulement le Seigneur n'agréera pas tous vos soins, mais il vous châtiera pour n'avoir pas préféré en ceci. Comment toute chose, son bon plaisir au vôtre? Le récit de l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem, Matthieu 21, vient à l'appui de ce que nous disons. Tandis que le peuple le recevait avec des palmes et au milieu des chants, le divin Rédempteur pleurait. Ce qui faisait le sujet de ses larmes, c'était de distinguer dans cette foule tant de cœurs éloignés de lui, et qui croyaient acquitter leur dette de reconnaissance par ses signes et ses démonstrations extérieures, il justifiait ainsi la parole de nos livres saints, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi », Ibidem, 15, 8. C'était eux-mêmes et non pas le Seigneur que fêtaient ces Juifs ingrats, n'est-ce pas là ce qui se passe souvent de nos jours, lorsqu'on célèbre quelque solennité? On y voit accourir les multitudes, néanmoins le plus grand nombre s'y porte, non pas en vue de la gloire de Dieu, mais pour le plaisir de voir, d'être vu, de faire bonne chère, ou encore pour d'autres motifs de respect humain, Des tendances et des intentions si grossières déplaisent au Seigneur, surtout si on mêle à ces faits des choses profanes et ridicules, propres à exciter la critique des assistants et à les distraire. D'autres personnes cherchent à déployer la magnificence de leur décoration, plutôt dans le but de plaire et d'attirer les regards, que pour inspirer la piété, et que dire de tant d'autres vues intéressées qu'on apporte à ces assemblées? Ces gens-là ont l'œil de la convoitise bien plus ouvert sur leur propre gain que sur les intérêts du Seigneur, ils n'ignorent pas le manque de droiture de leur conduite, et Dieu, qui les voit, le connaît mieux encore. Quoi qu'il en soit de la diversité des intentions, de tels abus prouvent bien qu'ils se font eux-mêmes, plutôt qu'ils ne font Dieu, ce que l'on fait pour sa propre satisfaction ou pour plaire au monde. Dieu ne le regarde pas comme fait à lui-même. Parmi ceux qui se sont réjouis de participer aux pieuses solennités, beaucoup n'en ont attiré intelligence artificielle juste colère du Seigneur. Comme il arriva aux enfants d'Israël qui chantaient et dansaient autour de leur idole, Exode 32, 7, 28. Ils se flattaient d'honorer ainsi le Tout-Puissant, mais ils ne réussirent qu'à provoquer son indignation, et plusieurs milliers d'entre eux furent exterminés, les prêtres Nadab et Abihu, fils d'Aaron, qui offraient à Dieu un feu étranger, furent frappés de mort, les encensoirs en main, Lévitique, 10, 1, 2. De même encore celui qui entra dans la salle du festin, sans être revêtu de la robe nuptiale, fut, par l'ordre du roi, jeté pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures, 8, Matthieu, 22, 12, 13. Ces divers châtiments nous montrent jusqu'à quel point Dieu s'irrite contre les irrévérences commises dans les réunions établies en son honneur. Ô Seigneur, mon Dieu, que de fait vous font les enfants des hommes ou le démon à sa part, et où vous ne trouvez pas la vôtre, combien ce malin esprit se sent à l'aise dans de pareilles solennités, où, semblable à un avide marchand, il recueille avec une ruse infernale d'immenses profits. Que de fois, Seigneur, pourriez-vous dire dans ces occasions, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, Matthieu 15, 8. C'est-à-dire son culte est dénué de fondement, Dieu veut être servi pour lui-même et pour ses perfections infinies, et ne saurait permettre qu'on y mêle d'autres fins indignes de lui. Mais revenons à notre sujet. Il est des personnes qui, dans la décoration de leur oratoire, cherchent à flatter leur goût plutôt qu'à honorer Dieu, d'autres tombent dans un excès contraire, et ne prennent pas plus de soin de ces lieux consacrés à Dieu que d'un lieu profane, parfois même leur sollicitude se porte avec plus d'empressement sur les choses profanes que sur les choses divines. Passons outre pour le moment, et adressons-nous à ceux qui filent plus fin, comme dit le proverbe, je veux parler des personnes qui se disent dévotes. Beaucoup parmi elles se préoccupent tellement de contenter leurs inclinations naturelles, qu'elles dépensent à décorer leur oratoire. Les longues heures réclamées par l'oraison et le recueillement intérieur, elles gaspillent le temps dans ces occupations distrayantes, sans réfléchir que cette attention les distrait autant que les autres soins temporels. La recherche de leur propre agrément sera toujours une source d'inquiétude, tant qu'elles n'useront pas seulement de ces accessoires comme d'un moyen propre à favoriser le recueillement et la paix, et le jour où l'on voudrait les en priver, le chagrin et le trouble s'empareraient de leur cœur.